mou comme un caca de bébé lala, dans une couche remplie de pipi, mou comme du Jell-O au kiwi. Mou comme de la pâte à modeler, en forme de ver de terre ou de bonhomme de neige. Mou comme une purée aux fraises. Mou doufou, mou doufou. Des fois c'est mou, des fois c'est doux, mais c'est tout le temps fou. Comme une doudou de poupée boutchou, dans le cou d'un petit bébé hindou, doux comme une feuille de chou. Doux comme les cheveux de ta belle maman, quand elle vient tout juste de les peigner, doux comme du steak haché. Mou c'est mou, des fois c'est doux, mais c'est tout le temps fou. Fou comme le balai d'une vieille sorcière sur la tête d'un rhinocéros. Fou comme un chameau pas de bosse. Fou comme un chef qui veut faire la vraie guerre avec des fusils et des canons. Fou comme une chanson de Céline Dion. Mou, mou doufou, mou doufou. Des fois c'est mou, des fois c'est doux, mais c'est tout le temps fou. Écureuil dans le sable mou. Un écureuil dans le sable doux. Un écureuil qui fait le fou.